Chapitre 23. Cinq jours après cette visite de Fréquine à Agabas, le facteur remit à Marthe, qui se promenait sur la lisière de la Pinède et de la Lande, deux lettres adressées à M. Hasimbert. « Voulez-vous bien vous en charger, n'est-ce pas, mademoiselle ? » dit-il. « Ça m'épargnera d'aller jusqu'à la maison. Un kilomètre est bon à économiser quand on en a déjà pas mal dans les jambes. » Si elle voulait s'en charger. L'une de ces lettres était de Philippe. L'autre portait, coin de son adresse, une mention imprimée, nécessité de clore, et au-dessous, en écriture manuscrite, le procureur général, Iruberi de Cap-Verne. Ce ne fut pas celle-là qui lui donna des jambes pour courir jusqu'à la maison, auprès de son grand-père qui travaillait dans son cabinet. « Grand-père, voici deux lettres. L'une est du procureur général, l'autre de M. R.M. »« Faut-il faire comme toi ?» demanda M. Hasimbert en souriant. « Faut-il commencer par celle du procureur général ?»« Grand-père !»« Voyons, que dit monsieur... Comment l'appelles-tu ? Monsieur R.M., n'est-ce pas ?»« Tu te moques de moi ?»« Mais oui, un peu, beaucoup, tendrement. »« Monsieur R.M., sournoise. Mais je ne veux pas te taquiner. Tu es pressé de voir ce que dit cette lettre. Ouvrons-la. J'ai aujourd'hui une nouvelle importante à vous communiquer. M. Denis et M. de Saint-Austrebert sont partis hier soir pour Paris et les renseignements que j'ai pu me procurer, il résulte que l'absence de M. Denis doit être longue. Il a acheté un hôtel, avenue de Messine, et il ne l'habitait pendant toute la durée de la session. Dans ces circonstances, je suis assez embarrassé de savoir ce que je dois faire. Faut-il rester à Bordeaux ? Faut-il aller à Paris ? À Bordeaux, rien ne me retient si ce n'est le voisinage de Gabas. À Paris, au contraire, je pourrais continuer la surveillance dont j'étais chargé. Il est vrai que cette surveillance n'a pas maintenant grande utilité, car d'après ce que vous ont appris mes dernières lettres, vous devez voir que l'intimité de M. Denis et de M. de Saint-Austrebert est telle que rien ne la rompra. Ne me viendrez-vous pas en aide pour me diriger ? Jusqu'à ce jour, je me suis scrupuleusement conformé à ce qui m'avait été recommandé. Je n'ai jamais demandé une réponse à mes lettres. Jamais je n'ai osé aller à Gabas pour obtenir quelques renseignements qui m'eussent transporté de joie, si vagues qu'ils eussent été. Mais aujourd'hui, j'ose élever la voix pour soutenir ma cause personnelle. Ma position est affreuse dans mon isolement, qui ressemble tant à un abandon. Pauvre Philippe, interrompit Marthe. Il est de fait, continua M. Hasimbert, que la situation de ce brave garçon n'est pas agréable. Il faut faire quelque chose pour lui. J'ai envie d'aller le voir. Maintenant, les raisons qui m'empêchaient de risquer un voyage à Bordeaux n'existent plus. Je ne serais pas fâché de le connaître. Ah, grand-père, que tu es bon. Nous reparlerons de ça. Pour le moment, laisse-moi lire la lettre du procureur général qu'il ne faut pas oublier. Il ouvrit cette lettre pendant que Marthe prenait celle de Philippe. Allons, dit-il, il faut que je me rende demain à Pau, en me mettant au parquet. Je prévoyais cette lettre comme je prévois ce que mon chef me dira demain. Une bonne réprimande, une répréhension roi des rogues. Toi, on te réprimande, toi, grand-père. Mais parfaitement. Je n'ai pas voulu intervenir dans les élections, et comme notre gouvernement a fait des juges de paix des agents politiques, je me trouve dans le cas d'être réprimandé, et je le serai vertement. Mais rassure-toi, tu ne me verras pas revenir la tête basse. Je serai même probablement fier du blâme qu'on m'aura adressé. La justice de paix était la magistrature la plus utile du pays, celle qui rendait le plus de services, services modestes, mais réels. L'Empire a dénaturé son institution. Pour faire un instrument docile entre ses mains, il l'a amoindri et déshonoré. J'aurai la satisfaction de lui avoir résisté. Notre nouveau procureur général ne réussira pas mieux que ses prédécesseurs à me faire céder sur ce point. S'il n'est pas content de ma résistance, il pourra me destituer. Mais c'est affreux. Rassure-toi, je ne mourrai pas de faim. J'ai 1200 francs de rente, c'est plus qu'il ne m'en faut, et comme les gens du pays ont confiance en moi, quand je ne serai plus juge de paix officiel, je serai toujours leur véritable juge de paix, dans le bon sens du mot, de sorte que je pourrai encore leur rendre service. Ne crains donc rien de mon voyage à Pau. D'ailleurs, à un certain point de vue, ce voyage m'arrange. Je voulais te faire une surprise, mais je n'y tiens pas de te le dire. Je vais te rapporter un piano. Je te remercie de tout cœur, mais je t'en prie, laisse ce piano à Pau. Tu n'aimes pas la musique, je te fatiguerai. Mais oui, j'aime la musique, seulement je n'aime pas l'abus qu'on en fait. La musique est devenue une maladie épidémique, qui vous accable partout où l'on va. Que dirait-on d'une maison où, après dîner, on imposerait aux convives la tâche d'entendre réciter, pendant 2 ou 3 heures, par de bonnes bourgeoises ou des écolières, des vers de Racine ou de Hugo ? C'est ce qu'on fait, cependant, avec la musique. pour laquelle, paraît-il, il n'y a ni bourgeoise ni écolière. Voilà ce qui me fâche, car cette mode de la musique a tué la conversation et par là elle a abaissé l'esprit. Où trouver aujourd'hui des femmes qui sachent causer? Elles pianotent. C'est ce qui m'a empêché de te donner un piano quand tu es arrivé ici. Tu te serais jeté dessus et il serait devenu le confident de ton chagrin et de ta sensibilité. Aujourd'hui, ce danger n'est plus à craindre. Tu as pris des habitudes plus saines. Ton piano sera ce qu'il doit être pour toi, une distraction, non une occupation. Le lendemain matin, après avoir embrassé Marthe, M. Hazenberg partit pour Pau, léger et dispo. Il savait qu'il allait recevoir une mercuriale, mais il n'en était nullement ému à l'avance, bien que le nouveau procureur général eut la réputation méritée de les administrer d'une main lourde et rude. M. Iruberi, qui se faisait appeler de Caberne, du nom de son village natal, était un de ces magistrats dont le portrait, qui ne date pas d'aujourd'hui, nous était laissé par Saint-Simon. Juste avec exactitude entre Pierre et Jacques pour la réputation. L'iniquité la plus consommée, la plus artificieuse, la plus suivie, suivant son intérêt, sa passion, élevant surtout de la cour et de la fortune. Jurisconsulte remarquable d'ailleurs, éloquent, terrible dans un réquisitoire, d'un esprit profond, d'une érudition solide, brillant par le trait, il eût été l'honneur de son ordre, sans l'ambition et l'envie qui le dévoraient. Pour arriver à la cour de cassation 6 mois plus tôt et avant un rival, il était prêt à traîner sa robe rouge dans la fange et dans le sang. Il avait l'habitude de recevoir dans une pièce dont les fenêtres étaient closes par des persiennes fermées et par des baies rideaux. Assis dans l'ombre, tout au fond de son cabinet, derrière un bureau chargé de dossiers, il voyait venir les personnes qu'on introduisait près de lui, tandis qu'elles ne le voyaient pas. On le cherchait et on le devinait en apercevant 2 yeux qui brillaient au milieu de l'obscurité comme ceux d'un chat dans la nuit. Alors, pour ses supérieurs, il se levait à demi. Pour ses égaux, il se renversait dans son fauteuil. Pour ses subalternes, il ne bougeait point, et pendant plusieurs minutes, quelquefois pendant un quart d'heure, il continuait d'écrire ou de lire comme s'il était seul. Ce fut cette attitude qu'il prit avec M. Hazenberg. En entrant, celui-ci, surpris par l'obscurité, resta un moment hésitant. Puis, entendant une plume d'oie qui criait et crachait sur du papier, il se dirigea vers le coin de l'appartement d'où ce bruit partait. Mais la plume continua de crier et de cracher, il prit une chaise et s'assit. Enfin, au bout de 10 minutes environ, une voix s'éleva derrière le bureau. « J'apprends d'étranges choses sur votre compte, monsieur le juge de paix de Gabas. »« Lesquelles, monsieur le procureur général ?» répliqua M. Hazenberg sans se troubler. Le procureur général avait parlé, la tête baissée. À cette interrogation, il la redressa vivement et fixa sur M. Hazenberg ses yeux foudroyants. Comment un misérable juge de paix se permettait-il de lui poser une question ? M. Hazenberg, qui avait le temps de s'habituer à l'obscurité, soutint ce regard avec un calme parfait. Il n'était point homme à se laisser intimider par ses façons, qui semblaient n'avoir d'autre objet que de blesser et d'accabler. Et d'ailleurs, il avait vu bien d'autres procureurs généraux, ceux de l'Empire, ceux de la Restauration, ceux de Louis-Philippe, ceux de la République de 1848, ceux du Second Empire. Il en connaissait toutes les variétés, l'autoritaire, le dévot, le grave, le libéral, le souple. Celui-là qui appartenait au genre brutal n'était pas fait pour l'émouvoir plus que les autres. « Vous ne me répondez pas !» dit M. Iruberi de Caberne après l'avoir regardé de haut en bas pendant quelques secondes. « Et sur quoi voulez-vous que je vous réponde, monsieur le procureur général ? Vous me dites qu'il se passe d'étranges choses dans mon canton, j'attends que vous me fassiez connaître ces choses pour vous les expliquer. » « Ce n'est pas pour écouter vos explications que je vous ai demandé, c'est pour vous donner mes instructions. »« Alors je les écoute. Je ne pourrai vous répondre que lorsque je saurai de quoi il s'agit. Je n'ai pas l'habitude de m'engager avant de savoir à quoi je m'engage. »« Nous savons que vous avez la prétention de ne faire que ce qui vous convient et que ce qui est conforme à vos opinions. Mais c'est là une prétention que nous ne sommes pas disposés à admettre. Nous voulons la discipline et l'obéissance. Ce qui nous résiste, nous le brisons. » Ce mot fut prononcé avec une énergie à faire entrer en terre un homme moins ferme que M. Hazenberg. Mais celui-ci ne parut pas intimidé. Au contraire, il se redressa sur sa chaise, de sorte qu'il domina le procureur général, enfoncé dans son fauteuil. « Nous sommes des hommes, » dit-il lentement, « nous ne sommes pas des soldats. L'obéissance passive n'est pas un devoir pour nous. » M. Iruberi de Caberne n'était pas habitué à ce qu'on lui tînt tête. La contradiction et la résistance le mettaient hors de lui. Toujours disposé à s'incliner lorsque c'était un supérieur qui lui parlait, il ne comprenait pas qu'on ne fût point avec lui ce qu'il était avec les autres. Humble et soumis devant le ministre, il voulait que ses magistrats fussent humbles et soumis devant lui. La résistance le blessait non seulement dans son besoin de domination, mais encore dans sa fierté. On ne veut pas chez les autres les qualités qu'on ne trouve pas en soi. « Assez, dit-il, et au fait, vous retenez chez vous votre petite fille, mademoiselle Denis, que vous détournez de ses devoirs et que vous enlevez à la maison paternelle. » M. Hazembert était prêt à soutenir la lutte contre son procureur général et à se défendre pied à pied. À vrai dire, même, il ne lui déplaisait point de donner une leçon de fermeté et de dignité à ce terrible magistrat qui ne lui inspirait aucune crainte. Mais il avait cru que cette lutte devait se livrer sur le terrain politique, et comme sa conscience n'avait rien à lui reprocher, il attendait, la tête haute et le cœur léger, qu'on précisât ses fautes. Cette attaque le déconcerta, et durant quelques secondes il resta interloqué, pensant à Marthe bien plus qu'à lui-même. Pauvre enfant, son secret était donc découvert. Maintenant il allait donc falloir se séparer. « Eh bien, dit vivement le procureur général, vous ne répondez pas. Je n'ai rien à répondre. Vous m'avez demandé pour me parler d'affaires de service, vous me parlez d'affaires de famille. Et quelle affaire de service fut jamais plus importante que celle-là, monsieur? Vous donnez l'exemple du mépris des droits paternels, de la désobéissance à la loi, et vous trouvez que ce n'est point une affaire de service de faire cesser un tel scandale? Je compte que vous allez reconduire mademoiselle Denis chez son père. Si monsieur Denis me le demande, oui, monsieur le procureur général, et si je vous l'ordonne moi, vous n'êtes pas son père.